été trop court. Et septembre s'achève, déjà le ciel est plus lourd. Un nuage s'élève, si le soleil brille encore, déjà le vent est plus fort. Tous les voiliers sont au port, le drapeau est au rouge. Encore l'été trop court, les étés sont de sable mouillé qui court, sous la vague inlassable. Je marche dans le désert de la plage noire hier, où ne vient plus que la mer qui m'emporte et me roule. Encore un été trop court dans les gares petites. Les trains portent nos amours aux mouchoirs qui s'agitent. Tous les adieux, je les crains. Je ne veux pas de chagrin. Tu as préféré le train. Moi, je reprends la route. Encore un été trop court.